Jean Bosco, Douimane. Bonjour à vous tous, bienvenue à ce journal dont voici les grands titres. La province scolaire de Karoussi fait face à d'énormes difficultés, surtout de manque d'enseignants. À Bouguenyosé, par exemple, il n'y a qu'un enseignant pour trois classes d'une section scientifique au complet. Notre correspondant nous en donne les détails dès le début de ce journal. Et la formation de football Aigle Noir s'est classée provisoirement première au championnat national de football édition 2017-2018 après avoir battu l'Idéal Ludique sur un score de 4 buts à 0. Et une quinzaine d'associations de la société civile ainsi que des activistes africains viennent de constituer un front, le Front international de la société civile panafricaine, avec comme première action déclenchée une plainte contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy pour avoir fait tuer le président libyen, le colonel Kadhafi. La plainte a été déposée à la Cour pénale internationale. Éducation pour ouvrir ce journal. Le manque d'enseignants dans certaines écoles de la direction provinciale de l'enseignement à Karoussi paralyse les activités, plus particulièrement au poste fondamental. C'est notamment au lycée communal de Bouguenyosé où l'on trouve un seul enseignant pour trois classes d'une section scientifique au complet. Le directeur provincial de l'enseignement à Karoussi dit avoir soumis ce problème au ministère de tutelle. Blaise Pascal Kararoumeye, c'est notre correspondant là-bas, il nous donne les détails. Après trois semaines de la rentrée scolaire, son manque d'enseignants, et plus particulièrement au niveau du poste fondamental, se fait remarquer dans la plupart des établissements scolaires de la province Karoussi. Au lycée communal de Rougazdi, par exemple, de la direction communale de l'enseignement de Bouguenyosé, les enseignants sur place à l'école fondamentale indiquent qu'il n'y a qu'un seul professeur pour le poste fondamental qui compte trois classes de la section sciences avec une classe de candidats à l'exéta. Ces enseignants s'indignent que certains d'entre eux sont en train d'être contraint de prester jusqu'à 40 heures par semaine, ce qu'ils jugent d'impossible. Ce n'est qu'un exemple, car même dans les écoles qui étaient les plus réputées de la province, comme à l'Itabu Karoussi et au lycée d'Obuhiga, qui sont les anciennes écoles de la province, son manque d'enseignants paralyse aussi les activités. C'est notamment à l'Itabu Karoussi qui manque actuellement 9 professeurs, et le directeur signale que la plupart d'entre eux sont partis dans d'autres carrières que l'enseignement. Il signale que la section technologie des industries agroalimentaires, TIA en sigle, sur les 4 sections que compte l'école, est presque sans enseignement et que cela perturbe même l'encadrement des élèves. Les directeurs de ces écoles regrettent que même le système de vacatariat n'est pas encore autorisé. Au niveau de la direction provinciale, le responsable du personnel des affaires sociales, Gérard Nziza, indique que la direction provinciale a déjà soumis la question au ministère de tutelle pour leur doter d'autres enseignants. Depuis Karoussi, Blaise Pascal Kararoumié pour la radio Isanganiro. Merci Blaise. Éducation toujours, certains enseignants redéployés à partir des écoles de la commune Rumongué ont été remplacés par d'autres. Ce constat a été relevé ce dimanche lors d'une réunion des enseignants. Une réunion au terme de laquelle leurs représentants ont décidé de saisir la direction provinciale de l'enseignement afin de lever ce qu'ils qualifient d'injustice. Jean-Pierre Misako. Une réunion extraordinaire des enseignants de la commune Rumongué a été tenue à Rumongué même ce dimanche après avoir appris que certains enseignants redéployés ont été remplacés par d'autres de même diplôme, comme le dit Ildefonse Ndaizeye, représentant provincial du syndicat STEB à Rumongué, qui présidait la dite réunion. C'est une réunion improvisée, une réunion de Dieu extraordinaire après avoir entendu des cas d'irrégularité. Surtout avec la nouvelle réaffectation des enseignants du niveau D7 et poste fondamental, nous avons eu des informations comme quoi il y a des enseignants qui ont été réaffectés dans les mêmes directions où il y a d'autres enseignants qui ont été redéployés ailleurs. Au cours de cette réunion, 12 cas d'enseignants redéployés puis remplacés par d'autres ont été relevés au lycée communal Mitondo, à l'école fondamentale Lukinga 2, à l'école fondamentale Mugweji et à l'école fondamentale Makombe. Il est défoncé Ndayizeye dit que tous ces cas dits d'irrégularité relevés sont à transmettre au directeur provincial de l'enseignement Rumonge pour une éventuelle correction, faute de quoi une intervention du président de la Commission nationale de redéploiement qui a mandaté les syndicalistes à veiller sur le respect de la loi dans la mise en application de cette opération sera sollicitée. Jean-Pierre Misago, depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. Cap maintenant sur Gitega. C'est toujours pour parler de l'éducation. Trois enseignants qui travaillaient au lycée Moussinzila dans la province de Gitega, devenue école d'excellence, font savoir que la mesure de leur redéploiement accuse des irrégularités étant donné qu'ils dépassent l'âge d'être redéployés et que parmi eux, il y en a qui souffrent de maladies chroniques. Ils demandent à la Commission nationale chargée du redéploiement de lever sur eux cette mesure car le directeur provincial de l'enseignement à Gitega n'a pas voulu les écouter. Nous appelons notre correspondant Arthur Kavaouchi. Les enseignants qui sont au nombre de trois sont tous des hommes et ils étaient des encadreurs au lycée Moussinzila avant que ce dernier ne devienne école d'excellence à partir de cette nouvelle année scolaire 2017-2018. Selon ces enseignants, depuis que ce lycée est devenu école d'excellence, les élèves ont été affectés dans d'autres établissements scolaires et leurs enseignants ont été mutés vers d'autres écoles qui sont proches de leur domicile. Mais comme les nouveaux encadrés de cette école n'étaient pas encore arrivés, le directeur du lycée Moussinzila, en compagnie du directeur provincial de l'enseignement à Gitega, ont demandé à ces trois enseignants d'assurer l'encadrement de ces élèves et qu'ils seront engagés là-bas même ou affectés dans d'autres écoles de la ville de Gitega. Cependant, cette promesse n'a pas été tenue car ce jeudi, les remplaçants sont arrivés à cette école munis d'une lettre du ministre et les trois enseignants ont demandé au directeur où ils iront travailler. Ce directeur les a envoyés chez le directeur provincial de l'enseignement à Gitega, mais disait-il, il ne les a pas écoutés, mais il leur a dit où ils ont été envoyés travailler. Ces enseignants indiquaient que selon de leur ancien poste d'attache, ce redéploiement acquise des irrégularités car ils dépassent l'âge d'être redéployés et parmi eux, il y en a qui souffrent de maladies chronique. Il demande à la Commission nationale chargée du redéploiement de lever sur eux cette mesure car le directeur provincial de l'enseignement à Gitega n'a pas voulu les écouter. Nous avons cherché au téléphone le directeur provincial de l'enseignement à Gitega, mais après avoir entendu qui nous sommes, il a coupé le téléphone. Arthur Kavaouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Merci Arthur Kavaouchi. Précisons également que nous n'avons toujours pas la réaction du président de la Commission nationale chargée du redéploiement des enseignants. Victor Ndabaniwe n'a pas décroché son téléphone quand la rédaction l'a appelé. Il est 13h04 à Bujumbura. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Certains passagers dans les véhicules de transport en commun au centre-ville de Bujumbura se plaignent de la vétusté de ces véhicules. Ils font savoir que ces véhicules causent des accidents et présentent un danger pour leur santé. C'est un reportage de Thierry Fayoukoulera. Ce bruit est celui d'un véhicule de transport en commun dans la mairie de Bujumbura. N'allez pas croire que ce véhicule démarre normalement, mais plutôt ce bus de type IAS ne démarrait pas. Cet usager de ces bus dit que prendre de tels véhicules, c'est prendre d'énormes risques. Ces bus sont à peine fonctionnels. Souvent, il s'observe des bus qui ne démarrent pas et on est obligé de pousser. Ça prend beaucoup de temps. Le bus bloque la route et cause parfois des accidents. Ce sont des bus dont les portières s'enlèvent tout le temps. Ils sont vraiment en mauvais état. Celui-ci dit que pour lui, ces bus sont un danger public. Franchement, ces bus sont vieux, trop vieux même. Car quand on est en train de sortir du bus, les habits sont déchirés suite au mauvais état de son véhicule. Le démarrage de ces bus n'est pas du tout automatique. Le chauffeur prend beaucoup de temps pour le démarrer. La population demande aux services techniques chargés du contrôle de ces véhicules de prendre des sanctions à l'endroit des bus qui ne sont pas en normes. Toujours dans l'actualité, le processus de choix de la chanson de l'année à travers la compétition Isanganiro Awards continue sur la même station. Après le choix des 20 premières chansons en compétition ce lundi à 15h, ce sera le tour de la présentation des 10 chansons parmi lesquelles sera choisie la première. Les votes publics vont commencer ce mercredi par SMS, comme l'annonce Emeline Nibogora, elle est présidente du comité d'organisation de cette compétition musicale. Suivez-la. Oui, justement, il y a eu sélection de 20 chansons. C'était la première étape. Maintenant, nous sommes à la deuxième étape, qui est la sélection des 10 chansons. On avait plus de 100 chansons. On a sélectionné les 20. C'est un jury qui a sélectionné les 20. Et maintenant, nous avons procédé à l'étape supérieure. Ce sont des jurés professionnels qui choisissent 10 chansons parmi les 20. Quels sont les critères qui ont été mis en avant pour le choix de ces 10 chansons? Les critères, c'était justement la qualité de la production, c'est-à-dire arrangement et mixage. Il y avait aussi la qualité vocale, qualité du message et l'originalité de la chanson. Donc, les jurés professionnels que nous avons choisis, ce sont des personnes qui ont évolué dans la production musicale, qui sont professionnels dans le monde de la musique. Il y en a qui sont ici au pays, il y en a qui sont à l'extérieur du pays. Aujourd'hui, vous allez présenter les 10 chansons choisies parmi les 20 autres. Que sera l'étape suivante? L'étape qui va suivre après, ça sera le vote. Nous allons annoncer les 10 chansons et puis le public va voter par SMS. Ceux qui vont suivre l'émission de cet après-midi à 15h, de 15h à 17h, nous allons annoncer par quels moyens ils vont voter. Nous sommes certains que la chanson qui sortira à la fin de cette édition, de la 6e édition, sera vraiment la meilleure chanson parce que l'objectif de la radio Isanganiro, c'est de promouvoir la chanson burundaise, mais aussi d'aider l'artiste burundais à évoluer, à être plus professionnel. C'était Emeline Nibogora, elle est présidente du comité d'organisation du Isanganiro Award pour l'édition de cette année. Et la formation de football Aigle Noir s'est classée provisoirement première du championnat national de football édition 2017-2018 en cours. C'est après avoir sérieusement battu Lydia Ludic Burundi sur le score de 4-0. Et à la 6e journée du championnat, Delta Star de Gatumba est classé dernier après s'être incliné 2-0 devant Flambeau de l'Est de Ruyigi. Le point sur le déroulement de la Primus League avec Evariste Nzikobanyanga. Deux matchs ont été joués vendredi dernier au stade de Prince Rugwagasore. À 14h, Delta Star d'Ogatumba s'est incliné 2-0 devant Flambeau de l'Est de Ruigi. À 16h, c'était le tour d'Atlético Olympique, battu à domicile par Olympique Star de Muyinga, 2-0. Ce samedi, un match entre Lydia Ludic Burundi et Aigle Noir, qui était attendu par le public de Gitega, a surpris plus d'un. Lydia Ludic Burundi Sport for Africa, qui était classée première jusqu'à la 5e journée, a été corrigée par Aigle Noir sur le score de 4-0. Ce dimanche, trois matchs ont été joués sur deux stades. Au stade Rukundo de Ngozi, Message Ngozi a dominé Musongati de Gitega sur le score de 4-3. Au stade Prince Rugwagasore, à 14h, Message Bujumbura et Ngozi City ont égalisé 1-0. Tandis qu'à 16h, l'Elière a battu 3-1 la formation de Bouja City. Ce lundi, à 14h, c'est le choc entre les jeunes athlétiques et Vitalo en difficulté. Cette dernière est en 10e position avec 5 points. À 16h, Interstar et Flambeau du Centre vont croiser le fer. Aigle Noir de Makamba est provisoirement classé premier du championnat avec 16 points. Lydia Ludic Burundi Sport for Africa est deuxième avec 15 points. En 3e position vient Message Ngozi avec 15 points. Olympic Star est 4e avec 13 points. Execo avec les Lières en 5e position. Delta Star de Gatumba est 16e et dernier du championnat avec 1 point. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce l'actualité internationale. Ce dimanche 8 octobre 2017, une quinzaine d'associations de la société civile ainsi que des activistes africains se sont rencontrés à Bamako, au Mali. Ils ont constitué un front, le Front international de la société civile panafricaine. La première action déclenchée par cette organisation est une plainte à la Cour pénale internationale, la CPI, contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy pour avoir provoqué l'intervention en Libye qui a débouché sur la mort du colonel Kadhafi. Et en Algérie, des centaines de migrants d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale ont été arrêtés dans la capitale depuis 4 jours. Ceux qui ont été interpellés ont été amenés à Tamarset, à l'extrême sud du pays, puis expulsé au Niger. Et samedi matin, un groupe de gendarmes est entré dans un quartier de la périphérie ouest d'Alger. Dans ce quartier, de nombreux chantiers et dans ces chantiers, des dizaines de migrants travaillent à la journée comme manœuvre, comme les arrestations duraient depuis plusieurs jours. Les migrants savaient qu'être arrêtés signifiait être expulsés au Niger. et plusieurs centaines de combattants présumés de Boko Haram seront jugés à partir de ce lundi dans des camps militaires du pays. L'annonce a été faite par le ministère nigérian de la Justice la semaine dernière. Des milliers de personnes ont été arrêtées au Nigeria pour des accusations d'actes terroristes. Un avocat basé à Kano dans le Nord estime que cette mise à l'écart des médias envoie un mauvais signal quant à l'organisation d'un procès équitable. Un analyste confie que ces procès de masse seraient avant tout une réponse à la pression internationale sur le gouvernement nigérian. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Il est 13h13 à Bujumbura et sur Isanganiro. Vous en retiendrez que la province scolaire de Karusi fait face à d'énormes difficultés, surtout de manque d'enseignants. À Bouguenyouzi, par exemple, il n'y a qu'un seul enseignant pour trois classes d'une section scientifique au complet. Et la formation de football Aigle Noir s'est classée provisoirement première au championnat national de football édition 2017-2018, après avoir battu Lydia Ludic sur un score de 4 buts à 0. Et vous venez de le suivre, une quinzaine d'associations de la société civile, ainsi que des activistes africains viennent de constituer un front, le Front international de la société civile panafricaine, avec pour première action déclenchée une plainte à la CPI, la Cour pénale internationale, contre l'ancien président français Nicolas Sarkozy pour avoir fait tuer le président libyen, le colonel Kadhafi. Fin de ce journal, merci à vous tous de l'avoir suivi. Toussaint Mitebouti qui l'a mise en onde. Je lui dis merci. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. En bon après-midi.